Alors, de retour à Futur Simple, c'est François Grégoire qui vous parle. Les pollinisateurs, tels que les abeilles, les colibris, les papillons, alimentent le cycle reproductif de la nature. Alors, oui, alors les scientifiques estiment que plus de 80% des plantes dépendent de la pollinisation animale pour leur propagation. Les insectes pollinisateurs sont donc une ressource naturelle indispensable. Ils jouent un rôle important dans notre sécurité alimentaire. Les plantes telles que les tomates, les poivrons, les pommes, les pêches, les concombres, les citrouilles ont besoin de pollinisateurs pour se reproduire. Mais ces insectes sont vulnérables à la disparition des milieux naturels et des sources de nourriture, ainsi qu'à différentes maladies et pesticides. Lorsque des populations d'insectes pollinisateurs sont menacées, les fruits et légumes cultivés, ainsi que certains écosystèmes naturels, en fait, sont menacés aussi. Alors, notre chroniqueuse Geneviève Gay est ici pour nous parler de l'importance de la pollinisation et des dangers qui guettent les pollinisateurs. Bonjour Geneviève. Bonjour François. Bon, ben, commençons tout de suite par expliquer ce qu'est la pollinisation. En fait, c'est un mode de reproduction privilégié des plantes vasculaires. Bon, en résumé, la pollinisation se produit quand le pollen est transporté de l'organe mâle ou l'étamine jusqu'aux organes femelles, le pistil, le carpelle, qui vont permettre ainsi à la plante d'être fécondée. Or, on sait qu'entre 70 % et 90 % des angiospermes, ça, c'est les plantes à fleurs, là, si vous préférez, bien, ces plantes-là sont pollinisées par des animaux, à une moyenne de 80 % comme tu le disais tantôt. Autrement dit, bien, ce sont les animaux qui agissent en tant que vecteurs de transport du pollen. Et les modes de pollinisation autres que par les animaux se font de quelle façon? Il y a la pollinisation par le vent. Dans ce cas-là, bien, le pollen, dont les grains sont vraiment très petits, peuvent être facilement transportés par le vent. Les gymnospermes, comme les conifères, là, notamment, bon, et certaines graminées sont en grande partie pollinisées par le vent. Mais il y a aussi la pollinisation par l'eau, où le transport du pollen s'effectue grâce à l'eau. Ouais. C'est évident, il y a certaines plantes aquatiques plutôt spécialisées qui ont recours à ce mode de pollinisation spécifique. Mais, oui, parce qu'effectivement, les plantes aquatiques ne peuvent pas être pollinisées, en fait, ni par les abeilles, ni par le vent. Là. Non, c'est ça, mais sauf que c'est vraiment, on parle de la pollinisation se fait uniquement grâce à ça. Souvent, il va y avoir d'autres, l'auto-fécondation, des choses comme ça. Oui. Mais certaines plantes vont avoir recours uniquement à ce processus-là. D'accord. Donc, mais bon, peu importe le mode qui est privilégié par les plantes, mais la pollinisation est considérée comme un service aux écosystèmes. Et un service aux écosystèmes, en fait, qu'est-ce que c'est, ça, au juste? Bien, les systèmes écosystémiques, ou encore, on appelle ça les services écologiques souvent, bien, c'est des processus naturels qui vont être difficiles, voire même impossibles à reproduire artificiellement, puis qui vont s'avérer indispensables aux populations humaines. Ces services ont lieu là sans que l'humain ait à intervenir, ça se fait naturellement. Les services écologiques vont permettre aux écosystèmes de fonctionner, de s'auto-entretenir, d'être résilients, bref, d'évoluer tout en se maintenant en équilibre, mais c'est un équilibre que moi je qualifie de dynamique. Et est-ce que tu as des exemples, Geneviève? Bien sûr, ben, la pollinisation, on l'a dit, c'en est un. Mais il y a la production de l'oxygène de l'air, qui est un service écologique en soi, l'épuration naturelle des eaux aussi, les ressources qui nourrissent les animaux dans leur habitat naturel, la production et l'entretien de l'humus par les organismes vivants. Ça, l'humus, ben, c'est ce qui est essentiel à la formation des sols. La séquestration naturelle du carbone dans le bois, les sols, les mers et même le sous-sol. Et même aussi le recyclage permanent des nutriments et de la nécromasse par les animaux, les champignons, les bactéries. Ça, c'est tous des services aux écosystèmes, services écosystémiques. Puis on considère même désormais que la beauté des paysages est un service écologique qui est rendu aux populations humaines. Bien, je trouve que c'est un concept très intéressant. Donc, par extension, on pourrait dire que la pollinisation, qui est un service écologique rendu aux écosystèmes, l'est par ricochet à l'humain. Oui, aussi, c'est ça, tout à fait. Puis, service était très, très important pour l'agriculture et la culture des arbres fruitiers. C'est dans ce sens-là qu'on constate que c'est un service rendu aux populations humaines. C'est ça. Donc, mais les plantes cultivées, elles ont besoin d'insectes pollinisateurs pour être fécondées. Donc, vous voyez venir. Si on assiste à un déclin des insectes pollinisateurs, c'est toute l'agriculture qui est affectée et donc l'humain aussi qui a de plus en plus de difficultés. Ricochet, c'est ça, voilà. Et quand on dit déclin des insectes pollinisateurs, on pense tout de suite évidemment aux abeilles, dont les populations sont en chute libre en ce moment. Oui, en effet. Mais avant, je vais revenir aux abeilles un peu plus tard. Là. Avant, il faut comprendre le lien très fort qui existe entre le nombre et la variété des pollinisateurs et la biodiversité végétale. Des études, c'est pas des études anciennes, ça fait quand même pas si longtemps que ça qu'on s'intéresse à ce sujet-là. Les études demandent de plus en plus, bon, que la production de fruits et de graines augmente dans les écosystèmes ou les jardins. Souvent, on va se contenter de faire des études à l'échelle du jardin, de cultiver, dans les écosystèmes, donc, qui vont présenter la plus grande diversité de plantes et de pollinisateurs. C'est que Ben, plus on varie les plantes, plus on diversifie les pollinisateurs, plus on augmente les chances de pairage, uh-huh. deux par deux, entre les plantes et les pollinisateurs. Donc, plus la pollinisation a de chances d'être réussie, va augmenter par le fait même la production de fruits puis de graines. Donc, c'est sûr que, oui, on entend, bon, les plantes spécialisées qui ne sont fertilisées que par un pollinisateur spécifique, mais ce n'est pas la norme. La plupart des plantes peuvent être pollinisées par plusieurs insectes, animaux et vice-versa. Donc, on remarque en ce moment une régression qui est généralisée du nombre et de la diversité des pollinisateurs. Puis ça, c'est sur toute la planète, mais particulièrement dans les régions industrialisées d'agriculture intensive de l'hémisphère nord, c'est-à-dire chez nous. Uh-huh. Et est-ce qu'on sait, en fait, sait-on pourquoi on assiste à un tel déclin? Bien, oui. Et non, parce que c'est quelque chose qui est, c'est un phénomène qui est très, très complexe. Il faut tenir compte de beaucoup, beaucoup de facteurs, beaucoup, beaucoup de facteurs qui interagissent entre eux. Il n'y a pas juste une seule cause, finalement, c'est ça. Donc, les services écologiques dont fait partie la pollinisation vont dépendre d'écosystèmes sains, fonctionnels, qui abritent des espèces vivantes. Mais désormais, on sait que la dégradation, la fragmentation des écosystèmes va menacer des espèces vivantes telles que nos abeilles indigènes. Il y a ça, les abeilles indigènes, il y en a plus de 800 espèces seulement au Canada, des espèces qui viennent d'ici, là. Ah, c'est énorme, ça. C'est ça, oui. Puis les, bon, ils vont menacer en même temps, les plantes qu'elles aident à propager, incluant celles qui font partie de notre alimentation. Le déclin des pollinisateurs est susceptible de causer parallèlement le déclin des plantes. C'est logique. Ça, on n'a pas besoin d'être un génie pour comprendre ça. Mais bon, la disparition massive des abeilles qu'on observe depuis une dizaine d'années, de plus en plus, ça fait plus longtemps que ça, en fait, que c'est amorcé, mais on le remarque vraiment depuis une dizaine d'années, et c'est rendu maintenant très préoccupant. Puis on sait que ce déclin-là est accéléré par la perte d'habitat naturel adéquat. C'est causé aussi par les impacts des pesticides utilisés en milieu agricole et aussi par la transmission de maladies bactériennes d'une ruche à l'autre. Oui, et notre chroniqueuse Morgane Lemasson approfondira le sujet de la disparition des abeilles la semaine prochaine. Mm-hmm. Mais tu peux nous présenter quand même quelques principaux pollinisateurs? Bien sûr, bien sûr. Dans le monde des insectes, en plus des abeilles, il y a les guêpes, les papillons, certaines mouches et certains coléoptères. Ah bon, on dénombre. Les mouches, ok. Oui, oui. Je te donne un petit devoir à faire quand les mouches vont réapparaître, oui. D'aller voir où il y a beaucoup de fleurs et d'observer. Et tu vas aller voir les mouches. Mais attention, il y en a qui se font passer pour des abeilles. On va y revenir, je pense, un petit peu plus tard. Bon. Mais bon, il y a aussi des mammifères, il y a des oiseaux aussi qui servent de pollinisateurs, la chauve-souris, le colibri. Bon. Mais pour le besoin de cette chronique, je vais juste m'attarder aux insectes. Bon. Vous vous doutez sûrement que de tous les insectes pollinisateurs, mais le plus commun et le plus connu, c'est l'abeille. Au Canada, comme je l'ai dit, on en a 800 espèces qui sont indigènes, qui viennent d'ici, dont le bourdon fait partie, le petit bourdon, le tout dodu, tout cuit. Oui. Bon. Mais l'abeille mellifère, qui est la visiteuse classique des fleurs, elle a été importée d'Eurasie, où elle est domestiquée depuis des siècles. C'est donc une espèce exotique ou introduite. Toutes les abeilles mellifères sauvages, en fait, c'est des descendantes d'abeilles échappées des ruches, puis qui se sont naturalisées au fil des ans. Elles sont capables de survivre par elles-mêmes dans la nature. Puis elles vont survivre à nos hivers en produisant de la chaleur en quantité suffisante pour réchauffer leurs ruches. Et c'est le miel qui leur fournit l'énergie nécessaire pour demeurer actives puis produire cette chaleur essentielle à leur survie pendant tout l'hiver. La perte des abeilles rend notre agriculture vulnérable, étant donné qu'elle dépend en grande partie de cette seule espèce de pollinisateur, ce qui est triste un peu, là, un statut qui est d'autant plus précaire parce qu'on considère que l'abeille elle-même a été introduite au Canada depuis relativement peu de temps. Donc, mais en plus des abeilles, les guêpes sont des visiteuses régulières des plantes à fleurs, n'est-ce pas? Oui, sauf que bon, les guêpes, en fait, c'est un peu indirect comme façon de polliniser parce que c'est des prédateurs redoutables. Ils vont jouer un rôle écologique bénéfique puisqu'elles vont prédater bon nombre d'insectes nuisibles, souvent directement sur la fleur. OK. Donc, ce faisant, c'est ça. C'est comme un peu indirect. Bon, mais elles visitent les fleurs justement pour chasser les insectes, mais aussi, de temps en temps, elles vont boire le nectar des fleurs qui sont une source d'énergie rapide. Par le fait même, elles vont se couvrir de pollen. Et avec un peu de chance, elles vont aller visiter de temps après une plante. C'est ça, exactement. Contrairement aux abeilles, les guêpes, la colonie ne survit pas à l'hiver. Il y a juste la reine qui est nouvellement fécondée qui va persister. Donc, les colonies sont renouvelées à chaque année. C'est pour ça qu'on remarque qu'il y a beaucoup de guêpes, le plus souvent, en plus grand nombre, à la fin de l'été. Ouais. C'est souvent à la fin de l'été qu'ils commencent à nous coller. Qu'est-ce que c'est des guêpes? Je pensais que c'était des guêpes. Okay. Non, les guêpes, là, c'est vraiment la taille très, très fine. Oui, t'sais. OK. Bon, une taille de guêpes. Une taille de guêpes, voilà. Mais c'est pas toutes les guêpes qui sont sociales. Là, on parle de colonies. Il y en a certaines qui sont solitaires, mais la façon de fonctionner reste la même. Il y a juste une reine qui survit à l'hiver. Bon. OK. Mais pour revenir aux mouches, tout à l'heure, on en parlait. En fait, tu dis qu'elles butinent les fleurs. Ouais. Oui, on les remarque de plus en plus. Puis c'est des pollinisateurs plus important qu'on pourrait le penser. Okay. Ouais, voilà. Il suffit, comme je te disais, d'observer ce qui se passe dans n'importe quel champ ou potager ou plate-bande de fleurs pour constater qu'il y en a beaucoup qui butinent les fleurs. Puis plusieurs mouches pollinisatrices ont adopté justement les rayures jaunes et noires des abeilles. Il s'agit probablement d'un mécanisme de défense qui vise à éloigner les prédateurs. Ben oui, donc, ce sont des mouches qui prétendent être des abeilles, même si elles ne peuvent pas piquer. Mais si tu veux vraiment apprendre à les différencier, il faut que tu les observes en vol, ces mouches truquées, ces mouches déguisées. Ces mouches impostrices, les guêpes. Mais sont presque aussi utiles que les abeilles, en fait, mais sont beaucoup plus habiles en vol que les abeilles, parce que les mouches ont une seule paire d'ailes, alors que les abeilles en ont deux. Puis le vol des insectes à deux ailes, comme les mouches, selon les évolutionnistes, si on peut dire, constitue une amélioration du vol des insectes par rapport à ceux qui en ont quatre. Donc, parce que les mouches, à ce moment-là, peuvent voler, planer, voler sur place, un peu comme les oiseaux-mouches. Okay. Alors que les abeilles, elles autres, sont considérées moins évoluées à cause de leurs quatre ailes, bien, ils n'ont pas cette habileté aérodynamique-là. Donc, c'est une façon de distinguer les abeilles des mouches quand on les observe près des fleurs. Donc, les mouches peuvent être des hélicoptères, mais pas les abeilles. Les abeilles, non. Les abeilles, c'est plutôt... Sec sur la fleur. Voilà. Parlant de la capacité de voler, les papillons volent, qui est joli aussi, en fait. Ils sont en fait, facilement remarquables. Oui, oui, ben les papillons, c'est dur à manquer. Là. C'est tellement gracieux. Bon. Ouais, mais sauf que les papillons au Canada sont peu nombreux, puis ils ne sont pas considérés comme des pollinisateurs importants dans la majorité des cas, parce que leur trompe est conçue de telle façon que au moment où le papillon va aller butiner, va aller chercher le nectar, mais la trompe n'entre presque pas en contact avec le pollen. Parce que les papillons, probablement, qui ont développé cette aptitude-là, parce qu'ils sont tellement légers, que de traîner du pollen, ce serait une surcharge pour eux autres. Donc, il y a des exceptions, évidemment, surtout chez certains papillons nocturnes, là, justement, ils sont plus massifs, ils ont un vol plus rapide, qui s'enfoncent dans la fleur pour boire le nectar, puis eux, vont se recouvrir de pollen à ce moment-là. Alors, pour terminer, revenons sur les menaces qui pèsent sur les pollinisateurs. On sait que la perte en fait, d'habitat propice, la perte de diversité, les maladies, les pesticides contribuent au déclin des pollinisateurs, particulièrement les abeilles. Alors, que peut-on faire pour ralentir ce déclin? Bien, le mot-clé, à retenir, s'il y en a un à retenir ici, c'est la diversité. De diversifier les types de plantes qu'on va introduire ou qu'on va planter. Finalement, c'est d'offrir les habitats, de faire en sorte que ce qu'on offre, c'est des habitats qui conviennent à une grande diversité d'insectes. Différents. C'est ça, exactement. Donc, en offrant une grande diversité de plantes à fleurs avec des tailles différentes, des couleurs différentes, comme par exemple, je sais que l'abeille ne voit pas le rouge. Donc, si on veut attirer des abeilles, c'est aussi bien de planter d'autres choses que du rouge. Okay. Mais ça ne veut pas dire d'éliminer le rouge pour autant, parce qu'il y a d'autres pollinisateurs qui vont aimer ce rouge. Ben oui. Donc, les colibris aiment bien ça, le rouge. Voilà, exactement. Tu as tout à fait raison. Donc, les couleurs, ça, c'est important de varier les couleurs, de varier les temps de floraison aussi. Parce que si on plante des fleurs qui ne fleurissent que tout en même temps au mois de juillet, les pollinisateurs ne seront pas portés de revenir année après année parce qu'ils vont... Ils n'en auront pas de bouffe au printemps, ils n'en auront pas non plus rendu à l'automne. Donc, c'est important d'échelonner la période de floraison quand on choisit nos plantes. Donc, ça, c'est dans le but de créer, comme je le disais, des habitats adéquats, et ça, à une grande diversité d'insectes. Et pas juste les insectes, je dis insectes, mais c'est vraiment tous les animaux qui peuvent être attirés par un habitat varié. Okay. Donc, propose aussi de favoriser les espèces indigènes, bien sûr. Ah, ben oui. D'apprendre à les reconnaître aussi, d'apprendre à reconnaître les espèces indigènes en tant que fleurs, les insectes aussi. C'est tellement amusant, c'est tellement le fun d'aller se promener et de les reconnaître. De juste les voir, c'est beau, mais de les reconnaître aussi, c'est vraiment impressionnant de pouvoir le faire. Puis aussi, bon, évidemment, je le redis souvent, c'est pas la première fois que je le dis, mais d'opter pour des pratiques de jardinage écologique. Donc, en éliminant l'utilisation de pesticides et d'herbicides. Voilà. Alors, merci Geneviève pour cette excellente chronique. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, Morgane Lemasson approfondira le sujet de la disparition des abeilles dans l'émission de la semaine prochaine. Alors, nous nous dirigeons lentement vers la pause musicale, après quoi nous livrerons la première partie de l'actualité scientifique. Je vous rappelle que vous écoutez Futur Simple à l'antenne de CKRL 89,1.